Hortense écoutait sa mère, les yeux fixes. La voix calme et la résignation de cette suprême douleur fit taire l'irritation de la première blessure chez la jeune femme. Les larmes la gagnèrent, elles revinrent à torrent. Dans un accès de piété filiale, écrasée par la sublimité de sa mère, elle se mit à genoux devant elle, saisit le bas de sa robe et la baisa comme de pieux catholiques baisent les saintes reliques d'un martyr. « Lève-toi, mon Hortense, » dit la baronne. « Un pareil témoignage de ma fille efface de bien mauvais souvenirs. Viens sur mon cœur, oppressé de ton chagrin seulement. Le désespoir de ma pauvre petite fille, dont la joie était ma seule joie, a brisé le cachet sépulcral que rien ne devait lever de ma lèvre. Oui, je voulais emporter mes douleurs au tombeau comme un suaire de plus. Pour calmer ta fureur, j'ai parlé. Dieu me pardonnera. Oh, si ma vie devait être ta vie, que ne ferais-je pas? Les hommes, le monde, le hasard, la nature, Dieu, je crois, nous vendent l'amour au prix des plus cruelles tortures. Je payerai de 24 années de désespoir, de chagrins incessants, d'amertume, 10 années heureuses. Tu as eu 10 ans, chère maman, et moi 3 ans seulement, dit l'égoïste amoureuse. Rien n'est perdu, ma petite. Attends, Venceslas. Ma mère, dit-elle, il a menti, il m'a trompée, il m'a dit « je n'irai pas » et il y est allé, et cela devant le berceau de son enfant. Pour leur plaisir, les hommes, mon ange, commettent les plus grandes lâchetés, des infamies, des crimes. C'est à ce qu'il paraît dans leur nature. Nous autres femmes, nous sommes vouées au sacrifice. Je croyais mes malheurs achevés, et ils commencent, car je ne m'attendais pas à souffrir doublement en souffrant dans ma fille. Courage et silence, mon Hortense, jure-moi de ne parler qu'à moi de tes chagrins, de n'en laisser rien voir devant des tiers. Oh, sois aussi fière que ta mère.